Chapitre 5e, Perm, les monts Oural et Katharinenbourg. Perm, baignée par le fleuve de la Kama, est bien que capitale d'un gouvernement, une ville de chétive apparence et peu peuplée. Ce n'était qu'un pauvre village il y a 50 ans, mais depuis 1781, le gouvernement russe en fait un chef-lieu. Alors la ville s'est agrandie, s'est améliorée, il sert aujourd'hui d'avant-poste à la chaîne des monts Oural. Dans ses défilés grandioses, la terre enferme des mines précieuses pour l'industrie. Aussi, voit-on çà et là de jolis villages qui possèdent des centaines de maisons neuves, confortables et parfaitement bien bâties. Les villages, ou mieux les bourgs, s'appellent zavodi, établissements. Ils sont peuplés par les ouvriers mineurs. Quelques-uns de ces villages appartiennent à la couronne, d'autres sont la propriété des seigneurs russes. Sur toute l'étendue de la chaîne des monts Ouraliens, on rencontre des mines en exploitation. Celles de fer et de cuivre sont les plus nombreuses. On y trouve aussi une quantité de pierres précieuses et de métaux fins. Une très belle route conduit de Perm à Ekaterinenbourg. Elle coupe transversalement dans toute leur épaisseur les forêts, les rochers de la chaîne de l'Oural, dont toutes les eaux se dirigent vers l'ouest et vont se jeter les unes dans l'océan glacial, les autres dans la mer Caspienne. Ekaterinenbourg, fondée en 1723 sur l'Isset, a déjà une population considérable. La ville possède le principal hôtel de la monnaie de l'Empire russe et la direction générale des mines. Ces deux édifices sont d'une beauté remarquable. En outre, il y a de grandes fabriques où l'on travaille les minéraux et les pierres fines. On peut se procurer à Ekaterinenbourg des pierres précieuses, montées ou non montées, à des prix très modiques. Les tentations ne manquent pas en ce pays. Mais hélas, j'étais comme cet arabe du désert qui, mourant de faim et de soif, rencontre sur son chemin un sac plein de perles. Alors il s'écrie « Ce ne sont que des perles !» J'ai bien jeté un regard de convoitise sur ces charmants objets, mais j'ai vite détourné la tête. Les neiges nous permettaient de continuer notre voyage en traîneau, et nous espérions bien conserver jusqu'à Tobolsk ce genre de locomotion, mais en arrivant à Ekaterinenbourg, les routes étaient couvertes d'une boue si humide et si grasse que les chevaux ne pouvaient plus avancer. Nous fûmes donc obligés de nous arrêter dans une auberge, et pendant ce temps-là, le conducteur de l'escorte se mit en quête d'un moyen de transport pour assurer le reste de notre voyage. Bientôt il revint et nous annonça que nous devions renoncer aux traîneaux et les remplacer par des voitures. L'état de nos finances ajoutait à toutes les difficultés. Un excédent de dépenses nous effrayait fort, car nous ignorions si on pourrait nous envoyer de l'argent. Le peu qui nous restait était donc bien précieux. On nous proposa une bonne berline, mais nous dûmes refuser et prendre une pauvre pérécladna, c'est-à-dire une charrette de poste. Nos excellents traîneaux, si bien rembourrés, si commodes, devinrent, en échange de quelques roubles, la propriété de l'aubergiste. Quelle aubaine pour lui! Aussi donna-t-il un pourboire au postillon. Il n'y a pas de mots dans les langues connues pour exprimer le supplice d'un long voyage en pérécladna. La Russie devrait réserver cela pour les grands criminels. Qu'on se figure une longue boîte plus haute par devant que par derrière, ayant une planche en guise de banquette et point de ressort. Les secousses sont tellement violentes qu'il est de toute impossibilité de trouver son aplomb. À chaque chaos, et ils sont presque continuels, on saute bon gré mal gré. Ces évolutions féroces finissent à la longue par vous arracher de vraies larmes. Nous étions rompus, meurtris, contusionnés comme si nous eussions subi le supplice du Knout. À une petite lieue d'Ekaterinenbourg, la route était recouverte d'une neige épaisse. Je témoignai mon étonnement au cocher qui me répondit avec un grand flegme. « Mais d'ici à Tobolsk, vous trouvez de la neige partout. Regardez les plaines qui sont devant vous, elles sont toutes blanches. » Aussi, ajouta-t-il, on était bien étonné au dernier relais de vous voir en pérécladna. Le mal était irréparable, nous ne pouvions pas poursuivre l'aubergiste qui avait abusé de notre ignorance. La seule manière de voyager dans ce pays est de se défier de tout le monde. Mais nous allions bientôt trouver un adoucissement à notre déplorable situation. Et au plus prochain relais, l'administration de la poste nous fit offrir des traîneaux appartenant à la couronne. Certes, ils n'étaient pas confortables comme les nôtres, mais il valait toujours mieux que les affreuses pérécladna. D'ailleurs, nous n'avions pas le droit d'être difficiles. Il fallait prendre notre mal en patience, et à chaque halte, transporter nos bagages d'un traîneau à l'autre, et c'était nous qui prenions toute cette peine, car nous n'avions ni domestique ni femme de chambre. Nous étions gauches, malhabiles, étrangères à ces soins grossiers, mais la nécessité commandait en maître. Le reste de notre voyage se passa dans de meilleures conditions. Les traîneaux étaient supportables, et nous n'étions plus forcés d'en changer à chaque étape.